sans se dire je t'aime. La journée commence quand même. Couille, souris, enregistrer. Et si possible, sans respirer. Je ne devrais pas boire.